moi, ce que je vais vous présenter est relativement en décalage par rapport à ce que vient de faire Yann, c'est-à-dire que n'attendez pas, sinon en creux, que je vous décrive des pratiques de terrain qu'on pourrait étiqueter féministes. En revanche, plus en accord avec ce sur quoi je travaille, je vais vous montrer une critique du terrain masculiniste de la géographie, en tout cas la critique qui a été portée par les géographes féministes anglophones. Je vais vous le montrer dans la mesure où, pour moi, cette critique constitue un corpus d'études pour une réflexion plus large que je fais sur les enjeux subjectifs de la pratique de terrain, et en particulier les enjeux qui se construisent autour de l'expérience attachée à la pratique de terrain, et pour laquelle je conduis une réflexion, enfin une approche réflexive sur l'engagement du sujet géographe au terrain, sur la participation de cet engagement à des enjeux non exclusivement cognitifs, ou plus précisément à des enjeux qui permettent de remettre le cognitif dans leur perspective. Et puis, un dernier point, c'est que je m'intéresse beaucoup à la question de la dimension spatiale de la pratique et de l'expérience attachée à la pratique. Tout ça afin de travailler la question épistémologique des régimes de connaissances et de participer à la construction ou à la définition d'un régime haptique de connaissances scientifiques, c'est-à-dire d'un régime qui s'élabore, qui est élaboré et à partir de la question de la tactilité au terrain. Alors, pour ma part, donc, je ne fais pas du tout une importation, je ne participe pas à une importation comme le fait par exemple Claire Hancock des théories féministes depuis la géographie anglophone. Je discute les textes féministes. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre. Ça veut simplement dire que je ne suis pas dans ce courant-là, que je fais avec les élaborations de ce courant. Parce que ce que maintenant j'essaye de travailler, c'est la manière dont le modèle féministe de terrain, tel que l'a défini l'épistémologie féministe, nous permet d'envisager un nouveau régime de connaissances, donc que j'appelle le régime haptique. Mon exposé s'articule en deux parties. La première porte sur la question du problème de terrain tel qu'il a surgi dans l'épistémologie féministe anglophone et aussi corrélativement dans le mouvement des qualitative studies, tout particulièrement dans les années 90, début des années 90 et début des années 2000. En disant d'emblée que la géographie féministe a participé à l'encodage des qualitative studies, au même titre d'ailleurs d'autres traditions, comme la tradition phénoménologique ou l'ensemble des courants post-structuralistes. La deuxième partie de mon exposé vous présentera plus mon approche théorique de la question du terrain et vous montrera comment j'utilise ce corpus féministe en particulier dans la perspective de la construction d'un régime haptique de connaissance ou de la définition d'un régime haptique de connaissance. Alors, tout d'abord, donc, le terrain devient un problème en géographie dans les années 90 et il devient par là même l'objet d'une attention épistémologique, tout particulièrement pour les géographes féministes anglophones et au premier chef desquels pour Gillian Rose, qui écrit en 1980 un texte qui s'intitule Feminism and Geography, et qui instaure le terrain en pierre de touche d'une définition de la science en sa pratique et en ses objets comme moyen pour conduire une stratégie identitaire, qu'elle soit de genre, de classe, de race ou autre, au sein de rapports sociaux de domination, dont la construction scientifique constitue un des contextes d'actualisation. C'est l'idée qui est portée dans la géographie anglophone derrière l'expression de « politics of the field » et de « politics of representation ». Pour les géographes féministes, le terrain devient à la fois l'outil de la condamnation de la science dite masculiniste et celui de la refondation d'une science dite féministe. Alors, la condamnation de la science classique qualifiée de masculiniste, mais qui bientôt est aussi hétérosexuelle et blanche, s'appuie sur l'examen critique et la mise en rapport, d'une part, de la manière de faire du terrain, le doing field work, de la spatialité de cette manière, de la spatialité du field, et troisièmement, de la définition du sujet cherchant qui la conçoit, hein, cette pratique, et qui s'y engage. Tout ça pour mettre en évidence la ruse, la gut trick, c'est comme ça que Rose l'appelle en 97, objectiviste et universaliste, on connaît bien le propos, hein, de la géographie positiviste et empiriste. Cette ruse impose une règle fictionnelle, celle de la neutralité, de la transparence, de l'universalité subjective, donc ce qu'on appelle l'objectivité, et un mouvement de séparation avec l'objet de la recherche, c'est ce qu'on appelle l'objectivation, qui est réalisée par le truchement de procédures de distanciation. L'ensemble fonde ce que les géographes féministes appellent un régime de connaissances scopique ou visualiste, dont l'objet scientifique est le paysage. Le paysage est donc la traduction d'une information de terrain dont la condition de recherche est un motif identitaire. L'enquête de terrain classique fonde la collecte ou la fabrication et la corrélation de données sur l'observation, et celle-ci est définie par les féministes comme une performance of power, et plus particulièrement une inappropriate performance of colonizing power relations, un comportement de domination colonialiste inapproprié, hein, c'est comme ça que Sharp le définit dans une citation qui vous sera donnée ensuite. Donc, alors, comment l'analyse-t-on ou comment l'analyse-t-il ou et elle ? Il l'analyse de la manière suivante. La pratique, c'est-à-dire le work, du field work, est calquée sur celle de l'exploration, qui évolue entre possession et arpentage, pénétration par le regard et contrôle par le recouvrement exhaustif, hein, qui sont toutes les choses dont tu as parlé. Ça a été décrit et défini, d'un espace extérieur, le field ou le land, qui est féminisé sous la figure de la mère ou la figure de l'amante, et qui est bientôt abandonné aux portes de l'académie sous la double menace des complexes d'Œdipe et des complexes de castration, entre plaisir annoncé et peur de la réalisation de ce plaisir. Donc qui est finalement abandonné pour être représenté dans un objet scientifique qui est le paysage. Rose, par exemple, mobilise à la fois la critique d'art féministe autour de l'objet paysage et le freudo-lacanisme, avec toutes les complexités que ça impose, mais autour de la pratique de terrain, et articule le paradigme scopique et la visée identitaire de cette « politics of the field » pour en révéler en fait les motifs subjectifs, c'est-à-dire la stratégie de confirmation ou de consolidation de l'identité masculine, d'une identité sociale, donc masculine, hétérosexuelle et blanche. A contrario, l'enquête de terrain féministe, dotée, elle, d'une échelle d'opération réduite, fondée sur l'interlocution et non plus l'observation, est placée par les géographes féministes au fondement d'un projet féministe ou d'un projet politique féministe au sein de la discipline, un projet d'empowerment réciproque du sujet cherchant, du sujet enquêté, qui font entendre et représentent leur voix, jusqu'à participer parfois d'une stratégie d'activisme politique. C'est par exemple très bien représenté dans un numéro d'une revue de The Professional Geographer de 1994, édité par Heidi Nast, qui s'intitule Playing in the Field, Women, et donc qui porte sur la question des femmes au terrain, où on voit bien, en particulier dans le texte de Kobayashi, comment le motif cognitif de la recherche est assujetti ou couplé, hein, ça dépend des personnes, mais assujetti ou couplé à un motif politique, c'est-à-dire un motif de construction et de consolidation d'une identité sociale. en l'occurrence féminine. Donc on a affaire à un to-do gender, hein, qui est, dont les féministes discutent encore aujourd'hui la consistance épistémologique, ou la réalisation, si vous préférez. Ainsi, même si les auteurs féministes ne sont pas les seuls à avoir participé à la refondation épistémologique du terrain, hein, en particulier du terrain qualitatif, en opposant pour leur part un terrain masculiniste à un terrain féministe qu'elles cherchaient à fonder, leurs élaborations sur la question du terrain l'ont de manière décisive informé en enracinant les méthodes qualitatives contemporaines dans des expériences et dans des pratiques qu'ils ou elles, les géographes féministes, rapportent aux relations des femmes et en particulier des mères avec leur environnement. Heidi Nast, par exemple, dans son introduction à Women in the Field, hein, donc Playing in the Field, dont je vous parlais tout à l'heure, énonce l'enjeu politique de l'enjeu politique de ce projet épistémologique, ou l'enjeu politique de la méthode pour les féministes, avant d'en indiquer les principes. Et donc, l'enjeu féministe, vous l'avez dans le premier, la première citation. Et puis, les principes, vous les avez dans le second, où on voit bien comment le modèle du care, ou du caring, hein, est instauré condition de refonte, hein, enfin devient le modèle de la refonte du projet méthodologique du terrain pour les géographes féministes. Alors, c'est peut-être là encore un problème de régionalisme de la géographie, mais y compris de la géographie anglophone, mais cette référence au Caire dans la géographie féministe anglophone, qui vient donc fonder, hein, la pratique de terrain qu'elle préconise, ou qu'elles vont développer, ne s'est jamais reliée ou jamais véritablement relié aux théories du care de la philosophie du droit qui apparaît au même moment. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun travail d'articulation d'eux. À ma connaissance, il y a un texte qu'il a fait, un texte de quelqu'un qui s'appelle Viva B, je ne me souviens plus de son prénom, qui traite de cette question dans un ouvrage qui a été dirigé par Lise Mondy. Mais bon, à ma connaissance, c'est le seul exemple, hein, d'articulation. Alors, les auteurs féministes insistent alors sur les manières de faire attachées à ce modèle de terrain substitutif, hein, fondé sur le care. Manière conçue pour installer une supportive atmosphere. C'est par exemple un terme qui est employé par Duncan, qui est employé par Rose et par beaucoup d'autres géographes épistémologues féministes. Bingley, aussi Anna Bingley, parle de facilitating environment. Donc, supportive atmosphere, facilitating environment, on voit là, c'est toutes les problématiques du care et en particulier tout ce qui est emprunté, parfois en le disant, parfois sans le dire, à quelque chose dont je vous parlerai ensuite et qui est la transitionnalité winnicottienne, hein, associée à la personne donc, de Donald Wood Winnicott, hein, qui est un psychanalyste anglais. La supportive atmosphere, la facilitating environment, qui sont réputées caractériser la méthode intersubjective, non hiérarchique et relationnelle qu'elle préconise. Ils ou elles définissent alors le terrain comme betweenness ou withness. C'est par exemple ce qu'on trouve dans les textes de Nast, de Rose, de Bondy, de Bingley. Un faire avec, donc, hein, une pratique de terrain comme faire avec, par opposition à un faire dedans, voire même directement à un faire dans, je pense au trou de tout à l'heure, de la géographie masculiniste. Et ils décrivent du coup le terrain lui-même, le field, en termes de state ou de space of betweenness, or the place in between, le dotant donc d'une qualité d'intermédiarité, un espace de l'entre-deux, un lieu entre-deux. Qui là aussi nous rappelle, en tout cas moi, qui suis très inscrite là-dedans, la pensée winnicottienne. Certains, du coup, appuient leurs efforts théoriques directement sur la psychothérapie humaniste, pour faire de l'empathie et de l'identification un outil technique de l'entretien qualitatif. C'est par exemple le cas de Bondy, c'est le cas de Etkin. D'autres redécouvrent la problématique du jeu, le playing, qui est au cœur de la pensée winnicottienne, encore une fois, et instaure le partage de situation, ou la sexualité, par exemple, dans un texte de Couples, voire le dispositif artistique chez Bingley, en cadre de la relation de recherche. La situation de terrain permet alors, pour toutes et toutes les géographes féministes, d'écouter et de faire s'exprimer et de représenter ceux qui n'ont pas la parole pour donner lieu à un matériau de terrain, non plus de type visuel, mais de type discursif, représenté dans des textes scientifiques, éventuellement des textes collaboratifs, dans lesquels, enfin, qui sont le produit d'une écriture collaborative, hein, entre sujet cherchant et sujet de la recherche. Les auteurs féministes, donc, ne participent pas seulement à la refonte des méthodes qualitatives, mais elles participent aussi à la fondation d'une linguistic term, hein, c'est-à-dire qui est une des bases historiques et des méthodes qualitatives, et une condition de ce qu'on appelle l'interpretative term, c'est-à-dire de l'accès pour la géographie à la dimension spatiale, c'est ce que les géographes anglophones appellent la geographies, du monde intérieur, les life world, des sujets enquêtés, hein, ou à la dimension spatiale de leur rapport au monde. Dans ce contexte de la substitution d'un modèle visualiste à un modèle du care, la question du corps va surgir. Parce que le modèle du care choisi, qui est un modèle de l'interaction entre un environnement maternant et des nourrissons, hein, est un modèle qui fonctionne sur la question de l'expérience corporelle, hein, on le verra précisément tout à l'heure, et donc ce modèle du care donne lieu à des pratiques et à des types d'engagement, hein, qui conduisent peu à peu les géographes anglophones à interroger la place du corps dans la recherche, et à définir le terrain comme une situation où des corps coprésents interagissent. Le corps devenant à la fois la condition et l'opérateur de l'intersubjectivité. Et on verra de la construction identitaire. Le corps dans toutes ses dimensions, motrices, sensorielles, kinesthésiques, émotionnelles, idéales, est considéré alors à la fois comme le site, le marqueur, l'opérateur de l'identité du chercheur dans la relation de recherche. Alors, c'est par exemple des termes qui sont travaillés par Nast et Heidi Nast, d'accord, par Sharp et Longhurst, par exemple, qui est quelqu'un qui a écrit un long texte sur manger ensemble, hein, le terrain, et, comme, enfin, dans un cadre de manger ensemble. Alors cette considération pour le corps, qui est recouverte par l'idée, comme dans toutes les disciplines, hein, l'idée de performance, a conduit les féministes et au-delà l'ensemble des géographes qualitatifs à la reconnaissance d'un matériau de terrain prédiscursif ou prélinguistique, préverbal en tous les cas, et à interroger ses conditions de possibilité de représentation scientifique. C'est ce dont va se saisir le courant de l'emotional geography, à l'origine duquel on trouve Lise Bondy, qui publie un texte alors associé à Davidson et à Smith en 2005 et republié en 2007 qui s'intitule Emotional Geographies. C'est le cas aussi de Michael Crank, dont je vous ai donné une citation tout à l'heure, qui est amené dans une recension en trois étapes qu'il fait des méthodes de géographie qualitative à s'interroger sur le terme générique de haptic knowledge, hein, haptique renvoyant à la question tactile, hein, au toucher, hein. Lançant dans la géographie anglaise l'idée d'apticité, hein, qui va être développée par Patterson en 2009 et que moi je développais depuis 2003 dans la géographie française. Je vous en parlerai ensuite. Et d'ailleurs, Patterson sort en octobre 2012 avec Martin Dodge un texte chez Ashgate, un ouvrage qui s'intitule Placing Touch, Touching Place. In geography, dans lequel je participe, Bingley aussi, enfin, donc des personnes qui travaillent cette question de l'apticité, je crois que je suis la seule française, mais cette question de l'apticité depuis longtemps. Et haptique, ça veut dire Haptique, c'est l'aptonomie. Vous connaissez l'aptonomie? L'aptonomie, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé autour de la maternité, C'est une technique qui permet de rentrer en contact avec le nourrisson via le toucher, des apprentissages de type de toucher. C'est pas le touching, c'est autre chose. L'aptonomie, non, c'est le toucher. Haptique, c'est le toucher. C'est le toucher. C'est le toucher. C'est le toucher. Oui, non, il n'y a aucune nuance. Moi, je disais tactile dans le temps, comme dans la géographie anglophone, on dit haptique, du coup, je me suis mise à dire apnique, parce qu'il faut s'aligner, sinon plus personne ne s'entend, et surtout plus personne ne se voit. Mais bon, voilà. Je vous en prie. Par ailleurs, pour finir sur la géographie féministe anglophone, si la neutralité, l'universalité et la distanciation ne sont plus placées au fondement du savoir positif, ou d'un savoir positif, mais au contraire dénoncées comme des instruments de la ruse masculiniste, si le terrain, qu'il soit work ou field, est rabattu sur des stratégies de consolidation ou de fabrication identitaire au sein de rapports sociaux de domination, si le savoir qu'on en élabore et formalise les données et définit comme situées, hein, les situated knowledge, c'est-à-dire non universel, et comme partiel, parce qu'issu d'une positionnalité, c'est-à-dire lié fondamentalement à un point de vue identitaire au sein d'une relation de pouvoir, alors qu'est-ce qui garantit la validité du savoir scientifique dans l'épistémologie féministe et plus généralement dans les méthodes qualitatives? Alors, si faire, s'exprimer, écouter, représenter discursivement ceux qui n'ont pas la parole ont été les outils méthodologiques du renversement cognitif de la domination masculine, hétérosexuelle et blanche, hein, chez les géographes féministes, alors dans le champ spécifique de l'épistémologie, la question de l'identité scientifique devient essentiellement une question de représentation de soi par et dans le langage, entretien, conférence, texte. Et celle de l'autorité scientifique devient alors un problème d'autorat qui porte la question identitaire, ou en tout cas identitaire sociale, c'est le dire qui porte l'identité, soit donc une double politics of representation, un problème à la fois de prise de parole et un problème textuel. Les féministes discutent d'ailleurs la question « the gendered nature of voicing the self ». Et montre que du côté du paradigme masculiniste, celui donc de la géographie classique, celui de la neutralité, universalité du sujet cherchant, le sujet cherchant fait le choix de se taire, left invoiced, son identité. Au contraire, du côté du paradigme féministe, le travail de positionnalité entraîne le choix de dire, spoken, son identité. Du côté masculinique, donc, on se tait pour cacher ce qui fait problème. Alors que du côté féministe, on dépasse ce qui fait problème en l'objectivant, c'est-à-dire en le disant, en disant à la fois sa position et le rapport de domination, c'est-à-dire le contexte dans lequel la position se définit. Pour les épistémologues postmodernes et constructivistes, parmi lesquels les féministes, donc la méthode réflexive est le moyen pour le géographe, pour le ou la géographe, d'un travail de conscientisation, d'objectivation des identités sociales, des acteurs de la recherche d'une part, et du contexte de leur interaction d'autre part. C'est du coup le moyen de la validité du savoir scientifique, en ce qu'elle tend à rendre transparent ce qui fait problème dans la recherche, même si cette question est amplement discutée dans un texte de Rose en 97, qui dénonce le souci de transparence et la fuble de l'expression « goddess trick ». Elle dit qu'il ne faut pas substituer le risque d'une goddess trick à un good trick. En tous les cas, entre introspection et analyse de la relation au sujet enquêté, la réflexivité permet d'atteindre, à travers les pluralités ou la pluralité des dimensions identitaires, les fragmented self, à la position du chercheur dans la situation de rapport de domination, qu'est le terrain, field of power ou landscape of power, comme on l'appelle. Elle permet aussi de rendre compte de la manière dont cette position informe, donc dont la construction identitaire informe le savoir partiel qu'elle permet de construire. Alors, à côté de la réflexivité, d'autres stratégies qualitatives et féministes ont été développées, comme par exemple, on connaît dans toutes les disciplines, le choix d'une analyse micro pour réduire la complexité politique du contexte, ce qui, moi, me paraît un argument... Il faut me le démontrer. Hein, je pense que le géographe qui est sensible aux effets d'échelle ne croit pas un seul instant que parce qu'on descend à un niveau infra, on simplifie. Mais bon. Deuxièmement, développer des techniques d'identification entre le sujet cherchant et le sujet cherché pour réduire la différence ou la différence distance qui les sépare. Et enfin, en termes de représentation, développer des méthodes de collaboration, hein, d'écriture ou des collaborations cartographiques. Enfin, la conception du terrain comme field as betweenness ou as withness a conduit les féministes anglophones à une compréhension essentiellement relationnelle et processuelle du terrain, dans laquelle la situation de recherche est considérée comme condition de co-émergence et de co-construction des identités. L'intersubjectivité impliquée par la situation de terrain, et ça, quelle que soit la base méthodologique choisie, linguistique ou autre, ou tactile par exemple, par laquelle elle se vectorise, a des effets identitaires aussi bien pour l'ensemble des acteurs qui s'y engagent. Rose D. Researching gender is doing gender. La pratique du terrain est donc production de savoir que pour autant qu'elle est la condition de la définition de l'identité, d'où émerge le savoir en termes de situated knowledge. Le savoir géographique n'existe que dans la perspective d'autres enjeux, des enjeux politiques, des enjeux d'identité sociale, et qui sont ceux qui se retrouvent construits dans des objets, par exemple, ça a été c'est la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, hein. Ça a été la définition de l'objet masculiniste, hein, la pratique masculiniste de terrain sert à la consolidation d'identité sociale masculine, blanche, hétérosexuelle, et son objet, c'est le terrain. Donc le terrain est bien placé dans la perspective, hein, de la consolidation identitaire, donc d'un motif d'ordre politique. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation. Dès la fin des années 90, je me suis intéressée à la question de la pratique des terrains des géographes, et je l'ai appréhendée comme un faire avec l'espace du ou de la géographe. J'ai essentiellement interrogé sa dimension subjective, que je mets au centre de ma réflexion, pour en faire un enjeu au-delà ou en deçà du cognitif, exactement comme les géographes féministes l'ont mis en évidence. Et pour faire de sa dimension spatiale, un élément fondamental que j'instaure en moyen au service de cet enjeu subjectif. Je propose, comme les géographes féministes, d'appliquer un principe très strict de symétrie à l'étude des pratiques en ces enjeux et en ces dimensions et à l'étude des expériences qui sont liées à ces pratiques. Pour ce faire, je me suis attachée au texte théorique de la géographie féministe et de la qualitative geography, celle qui est issue des méthodes qualitatives contemporaines, dont j'ai fait un corpus d'études privilégiées. Et j'ai complété la chose d'entretiens avec des géographes. Au début des années 2000, j'ai mené une trentaine d'entretiens avec des géographes organisés en deux sessions, dont certains ont fait, c'était des entretiens extrêmement libres, et certains d'entre eux ont duré jusqu'à 12 heures. Donc, quelque chose de très embedded, de très whiz, aussi. Alors, du coup, ce faisant, je réamorce la question des enjeux identitaires auxquels les auteurs féministes s'étaient intéressés à propos de la géographie masculiniste, pour la faire travailler cette fois, cette question, autour des pratiques féministes. Autour de ces pratiques qui ont été fondées sur le modèle du care et que les féministes ont omis, voire se sont défendues d'analyser. Quels sont les enjeux subjectifs et de quelle subjectivité parlons-nous, en deçà d'une pratique de terrain qui est fondée sur le modèle du care. Quelles sont les données qui en émanent et quels sont les objets élaborés à partir de ces données. C'est là-dessus que je travaille. Alors, je vous rappelle donc que la dénonciation féministe du terrain classique s'est faite sur une base que j'ai définie tout à l'heure freudo-lacanienne et trouve dans le terrain un inconscient du chercheur qu'elle traite comme un problème de consolidation de l'identité sexuelle et auquel elle rapporte un objet scientifique qui est le paysage. La question que je pose, c'est quel est l'enjeu subjectif inconscient attaché à la pratique et à l'expérience du chercheur fondée dont la pratique est fondée sur un modèle de care. Quelles données sont produites dans cette expérience et quelles représentations de celles-ci dans le travail scientifique? Quels objets? Dans un mouvement symétrique à la critique lacano-freudienne du terrain masculiniste, je mobilise pour ma part un appareil théorique de la psychanalyse, mais qui n'est pas la psychanalyse lacano-freudienne, mais la psychanalyse transitionnelle, celle à laquelle est attachée, sont attachés les noms de Winnicott pour la psychanalyse anglophone, mais dans le champ français, Didier Anzieux, Roussillon, Tisseron, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le courant transitionnel. Et je mobilise cet appareil théorique pour construire l'intelligibilité des enjeux identitaires inconscients d'une pratique de terrain fondée sur le care. Dans une sorte de nécessité interdisciplinaire, j'ai dû du coup construire dans la transitionnalité la question de la dimension spatiale de la psychogénèse transitionnelle. C'est-à-dire que pour arriver à utiliser la transitionnalité comme outil d'analyse d'une pratique de terrain fondée sur le care, j'ai dû d'un autre côté, à l'intérieur de la psychanalyse transitionnelle, dans une étude, dans une exégèse de leur texte, faire ressurgir la question spatiale qu'ils considèrent comme une question fondamentale, mais qu'en fin de compte, ils ont peu élaborée, sur laquelle ils ont très peu travaillé. Alors, donc, ce faisant, je rencontre les réflexions et les problématiques de l'apticité ou de l'émotionnalité développées au même moment dans la géographie anglophone. Mais je mets en même temps les limites d'une compréhension strictement sociale de l'identité pour lui préférer une définition égoïque, c'est-à-dire la mise en adéquation de la subjectivité et de l'égoïté. Au demeurant d'ailleurs, on remarque que l'acception sociale de la subjectivité dans l'épistémologie anglophone s'est trouvée confrontée par la mobilisation de la psychanalyse lacanienne, puisque la définition de la subjectivité chez Lacan, de l'identité subjective, est la suivante, c'est l'assujettissement à un ordre symbolique par le truchement du langage, en perspective de laquelle le moi est ramené au statut d'illusion, à visée unifiante et inventée dans l'ordre de l'imaginaire. Le sujet se trouve donc divisé entre plusieurs... il est de fait fragmented self, il se trouve divisé entre la multiplicité de ses identifications à des systèmes symboliques qui le déterminent, l'aliènent et l'identifient et qui se jouent dans différents contextes de vie, parmi lesquels le terrain. Le terrain est donc alors considéré comme une des situations de la mise en jeu et de la construction de l'identité sociale. C'est tout à fait logique dans le paradigme lacanien. De la même façon, le rapport établi entre langage et identité sociale dans la théorie lacanienne justifie la profondeur de l'articulation entre empowerment et linguistic turn, le développement d'un modèle linguistique de terrain. L'acception égoïque de la subjectivité, pour sa part, qui caractérise les pensées dites humanistes de la subjectivité ou antistructuralistes, donc en particulier anti-lacaniennes. Dans ces pensées-là, le sujet est considéré comme une entité indépendante, constante, donnée dans l'expérience, connue de manière réflexive et discursive, et placée au fondement de la conscience et de la revendication de soi. C'est ce qu'on appelle l'identité narcissique. La psychanalyse transitionnelle d'appartenance humaniste se situe, elle, du côté d'une définition donc égoïque de la, subjectivité. Sujet et moi, le je et le moi, sont mis en équation et travaillés dans leur dimension consciente et inconsciente et complétés par une dimension narcissique, le soi. D'ailleurs, ces deux définitions de la subjectivité ont été, et la difficulté hein, qu'il y a à travailler avec des méthodes du care dans une problématique féministe qui ne définit la subjectivité que de manière sociale, a été dénoncée par Lise Bondy, donc, qui est une géographe anglaise, qui raconte, alors je pense que je vous l'ai mis là, attendez, je ne sais plus, non, je ne vous l'ai pas mis, pardon, qui raconte dans un texte qu'elle a publié en 99, comment, dans les années 90, son engagement scientifique pour une géographie féministe d'inspiration lacanienne, donc centrée sur la question des identités sociales fragmentées, s'inscrivait en décalage et lui posait d'énormes problèmes personnels et intellectuels et de sociabilité. Donc s'inscrivait en décalage d'une expérience personnelle en cure humaniste, hein, centrée sur la question du sense of the self, de l'identité subjective narcissique, hein, le courant humaniste, hein, donc, dont elle appelait hein, par ailleurs l'installation dans le cadre de la géographie féministe. En effet, l'expérience attachée à la pratique de terrain hein, est donc fondée sur le modèle du care, quelle qu'en soit la modalité, linguistique ou corporelle, confronte le sujet cherchant à la question de son identité narcissique, comme le montrent de nombreuses relations de terrain. Comme le montrent aussi les entretiens que j'ai pu réaliser auprès des géographes et dont je vous parlais tout à l'heure. Par ailleurs, ces problématiques de l'identité du sujet cherchant et de l'identité narcissique se sont particulièrement développées du fait hein, du développement des considérations pour le corps hein, dans le prolongement des méthodes qualitatives, puisque l'intérêt pour le corps entraîne un surgissement de la question de l'expérience attachée à la pratique, donc la question des éprouvés corporels. C'est bien ce qui a été construit dans l'emotional geography, hein, dans la science anglophone, mais qui travaille les dimensions narcissiques de l'expérience et les types de géographie qui en découlent. C'est aussi ce qui s'est développé dans les courants de l'apticité, dont je vous parlais tout à l'heure, autour d'une modalité particulière de l'éprouvé ou de l'expérience, qui est l'éprouvé de toucher, hein, qui va donner lieu aux haptic geographies. Mais aucune de ces deux approches, celle de l'emotional geography ou celle de l'apticité, aucune de ces deux approches n'ont retourné leur questionnement scientifique vers le sujet cherchant et vers cette aire d'expérience particulière qu'est le terrain. Aucune n'a posé dans cette perspective la question de la construction identitaire via une expérience de terrain de type émotionnel ou haptique, qui est celle du sujet cherchant. Donc, ils ont travaillé, par exemple, sur les géographies haptic geography de l'aveugle, du souffrant, de l'handicapé. D'accord ? Donc, dans des situations très particulières et qui sont celles qui permettent de décrire les haptic geographies des sujets cherchés. Mais qu'en est-il ? Dans le cadre des méthodes qualitatives, fondées sur un modèle de care, de l'expérience de terrain du sujet cherchant. Et a fortiori, si on définit ce modèle comme relationnel, puisqu'il est relationnel, il y a quelque chose qui se construit entre le sujet cherchant et le sujet cherché, à l'intérieur d'un modèle de terrain empathique et d'un modèle de terrain identification qui est porté par le modèle du caring, ce modèle maternant. Donc en fait, de fait, ce qu'ils ne font pas, et ce qu'ils refusent de faire même, c'est, puisqu'en particulier Lise Bondy s'est expliquée là-dessus, je crois que j'ai un texte d'elle qui dit, voilà, c'est la fin de la citation, hein, que les géographes qui pratiquent les méthodes empathiques hein, de la géographie féministe fondée sur le modèle du care seraient bien embêtés hein, si on leur demandait de rendre compte des bénéfices thérapeutiques. D'accord ? La question, elle est patente, c'est-à-dire, ok, on a pris une psychanalyse pour analyser le terrain masculiniste. Et on a montré comment son savoir et ses objets étaient une élaboration de ça, de cette identité subjective sociale. Mais alors, quand on change de modèle, allons interroger cette identité subjective. Et puisqu'on est dans un modèle qui importe le caring et qui importe donc quelque chose qui est du domaine donc de la relation maternante et qui n'existe qu'à travers sa formalisation par des thérapies humanistes, dans lequel la question de la subjectivité se pose en d'autres termes que l'identité sociale, alors interrogeons cette subjectivité. Mais dans ce cas-là, quels sont les outils dont on dispose ? Ben, l'outil pertinent, c'est la psychanalyse transitionnelle. C'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner la psychanalyse transitionnelle comme un outil d'élaboration de la question de l'identité subjective narcissique, de la manière dont ce modèle permet la levée de données, et comment ces données sont ensuite élaborées dans des objets qui sont les objets de la géographie. Et la psychanalyse transitionnelle est d'autant plus habilitée, enfin, à mes yeux en tous les cas, à devenir ce maillon théorique manquant entre le modèle du care et la prise en compte des dimensions identitaires narcissiques, éprouvées attachées à la pratique. C'est d'autant plus pertinent que la transitionnalité a effectué au sein de la psychanalyse un tournant spatial. C'est-à-dire que la transitionnalité fonde l'idée de psychogénèse sur des éprouvés de contact et de séparation qui fonctionnent sur la base de dispositifs qui sont des rapports d'espace entre individus, qui sont des dispositifs de soins maternants, hein, et leur évolution hein, par des phénomènes de proximité et d'éloignement. Donc la question spatiale est au cœur de ce modèle hein, et elle donne lieu donc, à des données hein, qui sont liées à des éprouvés corporels de toucher, qui sont élaborés en symbolisation précoce d'identité narcissique et qui donc constitue un modèle hein, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, je finis rapidement parce que je ne vais pas tout vous exposer, sinon c'est très long. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la psychanalyse, là, je crois que je vais répondre à une question sur la carte. L'intérêt de la psychanalyse transitionnelle, c'est non seulement donc qu'elle permet de comprendre ce que c'est que l'identité subjective narcissique, l'identité narcissique, mais elle permet aussi donc de la construire sur quelque chose qui est la spatialité, que l'élaboration de la spatialité en une primo-symbolisation de soi, en une primo-identité, se fait via des rapports d'espace à travers le toucher, la question du toucher, la peau et le toucher. Ça permet de définir un modèle de primo-symbolisation qui est, qu'ils appellent figuratif et non pas linguistique, puisque la tactilité est pré-verbale et correspond à des primo-élaborations ou à des identités précoces, un pré-verbal. Et donc, ils ont développé toute une théorie de la symbolisation via des procédés figuratifs et non pas linguistiques, qui sont eux des processus secondaires par rapport aux processus figuratifs qui sont primaires. Et par conséquent, et enfin dernier point, l'intérêt aussi de cette transitionnalité, c'est qu'elle a mis en évidence qu'il existait des situations relationnelles transférentielles dans lesquelles se rejouent les processus de construction de l'identité primaire pour un travail de consolidation d'identité narcissique. Et que c'est ce que Winnicott appelle les activités culturelles, au sein duquel il place par exemple les activités scientifiques. Mais les activités artistiques, et c'est aussi dans ce cadre-là que moi je travaille sur l'art contemporain et les pratiques de terrain dans l'art contemporain. Donc du coup, c'est assez simple, hein, ce dont on dispose, c'est que le terrain, autour du terrain, on va se demander comment fonctionne l'aptique dans le terrain, quelles sont les pratiques qui le portent, etc. On va autour du dessin et du rapport entre terrain et dessin en géographie, ou en tous les cas terrain et pratique figurative, les schémas, les cartes, etc., les croquis, travailler le dessin dans la perspective qui nous manque, et qui manque par exemple à Kring et Peterson, qui est celle le dessin comme moyen de représenter les données haptiques. Et puis, on va pouvoir placer les objets de la géographie contemporaine dans tout ça, c'est-à-dire en particulier la question du territoire, de l'identité et de la frontière, hein, qui sont devenus... Oh, pardon, mince, excusez-moi. qui sont devenus hein, les objets contemporains qui se sont substitués aux paysages de la géographie. Et si vous lisez ce texte de Hanzieux que j'aime beaucoup, que vous commencez par exemple par la fin, là, vous voyez le changement dans la nature de la souffrance des patients, on est sorti de la névrose, on est sorti des psychoses, on est maintenant dans ce qu'on appelle les problématiques identitaires narcissiques. C'est le gros de ce qui arrive en cabinet, c'est le problème social contemporain. Et qu'est-ce que c'est que le problème social contemporain ? C'est reconstruire des limites, se donner des frontières, reconnaître des territoires vivables et habitables. Hein, vous retrouvez toute la lexicologie, non seulement de la géographie contemporaine, mais au-delà de toute la science sociale contemporaine. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire sur... parce que ça me demande de ramener beaucoup de choses avec peu d'informations. Mais enfin, grosso modo, l'idée, c'est, bon, voilà, on a un terrain féministe qui dit, ben, le géographe, sa figure, c'est le caregiver. Et donc, on va fonder un modèle féministe de terrain qui est un modèle du care. Et puis, on va reconstruire de l'identité sociale avec ça. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que le modèle du care, ce n'est pas la question d'identité sociale qu'il pose, c'est la question de l'identité narcissique. Alors, après, il faut savoir comment on peut les articuler, parce que tous ces phénomènes identitaires ne sont pas opposables les uns aux autres. Ce sont des dimensions de la subjectivité. Donc, après, il faut savoir les réarticuler. Hein. Mais on a là, avec la théorie transitionnelle psychanalytique, hein, donc un moyen de travailler la question du motif identitaire narcissique qui est en deçà des objets produits par la géographie contemporaine. Voilà.